Tu fais dire, si tu veux aller aux pommes, là, il peut te faire un lift en fin de semaine. Okay. Je sais pas si tu veux aller aux pommes. Je sais pas pourquoi il dit ça. Là. OK. Il dit qu'il annonce... Juste saluer les gars qui se font embarquer dans les histoires de pommes de leurs femmes. Et qui prennent la photo, qui se rendent sur Facebook avec leurs enfants. Dont la petite de 2 ans qui s'en rappellera jamais qui est allée aux pommes. Vous êtes bons, les gars. Puis à quelque part, vous méritez une récompense. Une tarte pomme? À la fin, une ouais. Tarte. Une tarte. Peut-être une récompense physique, là. Ouais. Une vraie récompense. OK. Puis en passant, après une pomme, là, c'est pas tanné d'en manger. C'est assez d'un peu. Moi, je suis déjà allé jusqu'à deux. Moi aussi, deux. Hein. Ah ouais, deux pommes. Puis si tu vas, puis tu vas où est-ce que les pommes poussent, tu sais, pour vraiment vivre l'expérience pomme, puis t'es ramassé d'un sac, pareil comme à la corne d'abondance, là. Je sais pas, man. Je ne sais pas, man. Je sais pas les pommes. T'as comme un malaise avec les pommes, hein. Y a quoi, j'essaie de défendre la gente masculine trop gentille. Les gars sont bardassés, ils sont conciliants. À la limite soumis. Qui accepte n'importe quoi par une journée qui fait 22 degrés. Mais mettons, toi puis l'auditeur, dans le même char, en direction les pommes, ça arrivera pas? Non, ça arrivera pas. Ce que tu peux faire aussi, c'est dire à ta blonde, je m'en vais aux pommes juste pour toi, chérie. Tu passes au Jardin mobile ou IGA, t'achètes ben oui. Un sac, tu vas à la cage au sport, 2-3 biens, tu reviens, garde, chérie. Ouais, mais... Ça peut être facile. Non, mais elle veut y aller avec toi. J'ai pas d'échelle, a fallu que j'envoie ton échelle. Et où la photo avec les tas de feuilles, hein? Ben ce sourire forcé... Oui, même s'il y a de la NFL, je suis aux pommes, chérie. Tu sais, ce fameux sourire. C'est... Mais vous me faites pas pitié, parce que vous êtes des bons maris, puis le Québec a besoin d'hommes forts bon, comme vous. Parle-moi de ça. Faites un peu moins soumis, par contre. Très bon, Vince. Oui.